Bonjour, je voulais vous annoncer que je vais faire une nouvelle série de vidéos. Donc on a sur cette chaîne les moments salut, les moments débunk, faux salut. Et là, ce sera les moments évangélisation. Donc ce sera une série de vidéos pour apprendre à évangéliser. Donc ce seront des vidéos sur différents thèmes pour bien décrire la méthode d'évangélisation qui s'appelle la Romance Road, qui est la méthode utilisée par des chrétiens partout dans le monde depuis des générations, qui porte beaucoup de fruits et qui s'appuie sur la Bible. Donc c'est la route romaine en français. Donc on verra dans plusieurs séries de vidéos comment utiliser cette méthode, comment bien se préparer à y aller, comment bien présenter l'évangile à quelqu'un, etc. Donc on verra vraiment plusieurs thèmes différents. J'espère que ce sera un encouragement pour vous, que vous serez encouragé à y aller, que vous serez prêt à y aller. La Bible nous dit que c'est notre devoir en tant que chrétien d'annoncer l'évangile à notre prochain et donc d'avoir cette audace de prêcher l'évangile, car les personnes ont besoin de quelqu'un de sauvé qui leur explique à l'aide de versets l'évangile. Et c'est pourquoi il faut s'appuyer sur la Bible, et cette méthode Romance Road s'appuie sur des versets de la Bible, car le pouvoir est dans la parole de Dieu, et c'est la Bible qui permet aux personnes de comprendre, et le Saint-Esprit agit à travers la parole de Dieu pour que la personne puisse se convertir. Donc voilà, ce seront plusieurs vidéos qui décriront cette méthode qui porte beaucoup de fruits, partout dans le monde entier, la Romance Road. Et je voulais vous lire Ésaïe chapitre 55 verset 11, qui parle justement, où c'est l'Éternel qui parle et qui dit: ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Donc Dieu nous dit clairement que la parole qui sort de sa bouche, elle ne retournera pas à lui sans effet. C'est-à-dire que lorsque vous prêchez la Bible, lorsque vous prêchez des versets, c'est jamais vain. Et c'est toujours utile, elle ne retournera jamais sans effet. Et il dit, elle accomplira ce que j'ai voulu, parce que le Saint-Esprit va agir dans le cœur de la personne, et va convaincre la personne de péché, de jugement, de justice. Et si cette personne donc ajoute confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, elle sera sauvée. Et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée, parce qu'elle portera du fruit. Donc vous pouvez être assuré que si vous annoncez l'évangile à l'aide de la Bible, et comme Dieu nous dit de le faire, alors vous porterez du fruit au Seigneur. Et même si vous n'avez pas de personne sauvée, vous aurez fait ce que Dieu attend de vous, vous aurez donné l'opportunité à quelqu'un d'écouter l'évangile, et c'est ce que Dieu nous demande. Et vous aurez forcément des personnes sauvées si vous y allez régulièrement et si vous le faites comme Dieu l'a dit. Donc voilà, je vous encourage à regarder cette série de vidéos, et dans un premier temps, si vous voulez bien, allez voir les vidéos qui sont dans la playlist qui s'appelle « Apprendre à évangéliser » si vous ne les avez pas encore vues. Donc ce sont différentes vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne pour vous aider justement à vous préparer, pour vous donner des enseignements et des directives pour comment savoir évangéliser. Il y a aussi un PDF que je mettrai dans la description de la vidéo, qui est vraiment utile et qui décrit la méthode en détail, si vous voulez justement voir les points, si vous voulez vous préparer. Et je mettrai aussi dans la description de la vidéo une playlist du pasteur Roger Jiménez, qui sera en anglais si vous parlez anglais, et qui est une excellente playlist de vidéos qui explique comment évangéliser, et il a fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et aussi vous avez deux exemples d'évangélisation sur cette chaîne, qui montrent deux exemples d'évangélisation en face à face. Et donc je vous encourage à visionner ces vidéos, et je vous encourage à visionner les vidéos que je ferai sur les moments évangélisation. Et j'espère que ce sera un encouragement pour vous, que ça vous permettra de bien vous préparer à l'évangéliser, et de porter du fruit au Seigneur, car nous sommes ici sur terre pour aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et c'est ce que Dieu attend de nous, vous glorifierez Dieu, c'est ce qui est dit dans Jean chapitre 15 notamment. Mais bien sûr, il y a de multiples versets qui parlent de la notion d'aller évangéliser, et c'est notre devoir à nous tous, en tant que personnes sauvées, d'annoncer l'évangile. Voilà, que Dieu vous bénisse.